Un poème, Je vis dans le monde, par Madame Lewis. Je vis dans un monde où les inégalités sont cachées de ma vue. Je vis dans un monde où la guerre et les conflits sont loin et inconnus. Je vis dans un monde où la famine et les enfants soldats ne me concernent plus. Je vis dans un monde où le terrorisme et le génocide sont des problèmes pour vous. Je vis dans un monde où les enjeux environnementaux sont loin, mais partout. Je vis dans un monde où les inégalités sont cachées de ma vue. Alors, que puis-je faire pour soutenir ce monde et changer la vie pour tous?